Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Neuvième épisode, Perdiguera. Nous avons laissé le groupe international à Perdiguera, à 25 km environ de Saragosse. Dans un premier temps, la stratégie du comité de guerre, relayée par Lucio Ruano, a été appliquée avec succès par Louis Berthomieu. Ils ont occupé la position désignée au-dessus du hameau. Jugeant que l'ennemi est solidement retranché, le délégué général envoie alors Carpentier et Riedel chercher du matériel et des munitions supplémentaires au camp de base. Mais la pression devient trop forte. Quand Berthomieu tente d'organiser le repli, il est trop tard. Le groupe le plus avancé se retrouve encerclé par les troupes franquistes et la cavalerie marocaine. Une partie est fusillée ou se suicide. Selon les journaux français, Berthomieu se fait sauter la dynamite. La mort d'Alexandre Staradov est relatée à chaud par un autre survivant, Charles Riedel, qui écrit le 23 octobre dans Le Libertaire que cet ancien membre du détachement anarchiste ukrainien de 1917 était venu en Espagne prêter son concours de combattant aguerri. Après avoir épuisé ses munitions, il lança les trois grenades qu'il possédait et tomba. Pour le reste du groupe, réfugié dans une grange, quand le jour se lève en ce 16 octobre, la situation est désespérée. Plus personne dès lors ne parla de se rendre. Nous étions tous convaincus que de toute façon nous étions perdus. Ils ne nous feraient pas quartier. L'homme est un animal grégaire, et dans certaines situations, la majorité des individus reconnaît la nécessité de se laisser diriger par celui ou ceux qu'elle croit les plus qualifiés pour trouver la solution à ses problèmes. Cartagena, Georges, La Caille et moi formions un quadriumvirat constamment assailli de questions par le restant de la garnison assiégée. Cartagena était un Espagnol, originaire de la ville du même nom. Grand, maigre, aussi bronzé qu'un gitan, les yeux très clairs, il était taciturne. Il agissait d'abord et expliquait ensuite. Il était toujours partisan des solutions radicales et irréversibles. Personne ne savait rien sur son passé, sauf qu'il avait dû vivre longtemps en France, car il en parlait la langue parfaitement. Il devait avoir une quarantaine d'années. Georges était un ami. Il était français, parisien, très cultivé, gai, insouciant, et aimant raconter des histoires drôles. Ses parents, disait-il, étaient des voleurs professionnels, reconnus et protégés par le gouvernement, en échange d'une dîme qu'ils payaient à ce dernier. Il était en réalité fils de commerçant. La Caillé était quant à lui d'un tempérament contraire à celui de son compatriote. Espagnol, né à Barcelone, il n'avait jamais connu ses parents. Il avait été élevé dans la rue et y avait grandi, d'où son nom, La Caillé, la rue. Petit, 1m45 ou 1m50, la rue portait bien son nom, parfois bruyant, parfois silencieux et sombre. Franc, il ne cachait pas sa haine ou son mépris pour tout ce qui se courbe ou s'agenouille devant une image sacrée de n'importe quelle religion. Pour lui, tous les maux de la terre venaient des curés, des moines, pasteurs ou rabbins, qui profitaient de l'ignorance et de l'innocence des peuples pour vivre dans le stupre et l'orgie. Je l'ai souvent entendu raconter sa vie ou des anecdotes. Lorsque dans une discussion, l'un de nous défendait le droit de croire en n'importe quelle religion, si l'on en sentait le besoin. Il éclatait. Sa voix montait, froide, incisive. « Oui, je m'en fous. Si vous voulez croire, croyez. Mais sans curé, sans moine, sans pasteur et sans rabbin. Car vous ne savez pas ce qu'ils cachent derrière leur façon honteuse et leur sourire bienveillant. Moi, si. » Élevé par on ne sait qui, il se souvenait d'avoir mendié dans les rues de la ville quand il était tout petit. Mendiant et cireur avaient été ses premiers métiers. Devenu un peu plus âgé, Il voulut apprendre à lire et à écrire. Il s'exerça à tracer les lettres en prenant pour modèle les pages de journaux qui traînaient dans la rue et ayant pour crayon un morceau de charbon pour cailler le trottoir. Un soir, le curé de sa paroisse le surprit, recopiant une page sur le mur de l'église, et lui proposa de lui apprendre à lire et à écrire. Il accepta, heureux de voir son rêve se réaliser. Il avait alors une quinzaine d'années, mais comme il était petit, personne ne lui donnait son âge. Le prêtre l'invita au presbytère, le fit manger, boire, en un mot il le mit en confiance. Il lui donna aussi des leçons. Tout alla bien pendant quelques jours. Le petit José Lacaille était aux anges. Un soir, après la leçon, son maître l'invita à passer la soirée chez lui, pour lui tenir compagnie, car sa Célestine était obligée de s'absenter. Après le départ de la bonne, le saint homme sentit le besoin de prendre un bain, et suggéra à José d'en faire autant. Le petit ne se méfia pas. Un curé, c'est chaste. Le représentant de Dieu sur terre ne peut pas être un vicieux. Il se déshabilla et rentra dans la petite pièce où une douche était installée. L'homme de Dieu y pénétra avec lui pour l'aider à se savonner. Avec le prétexte du savonnage, il palpa, caressa tout son corps, des mollets aux fesses, son dos, son ventre, sa poitrine. Il savonna son sexe en faisant jaillir le gland du prépuce. José n'aimait pas du tout cela, mais n'osait rien dire. Une fois propre comme un sou neuf, son amphitryon lui passa le bras autour des épaules et le guida vers la chambre tout en lui parlant du plaisir qu'il avait d'avoir un ami si gentil et si jeune, et en plus intelligent comme lui. C'est dans la chambre que les choses se gâtèrent. Le curé commença à l'embrasser, à passer sa main de la nuque aux fesses de José, qui, le premier instant de surprise passé, se dégagea, saisit une lampe à pétrole qui était sur la table de chevet et la lui cassa sur le crâne. Puis il s'enfuit, après avoir enfilé son froc. Il quitta Barcelone sans prévenir personne, même pas Angelita, une petite fille, son amie de toujours, plus âgée que lui d'un ou deux ans. 3 ans s'étaient écoulés lorsqu'il revint dans sa ville natale. Il rechercha son amie. Bien sûr, il ne croyait pas trop la trouver encore libre. Il espérait qu'elle serait heureuse avec son mari, et lui-même serait content de son bonheur. Si elle était libre, si elle n'était pas fiancée, alors il lui demanderait d'être sa compagne. Il la retrouva un soir, au Barrio Chino, devant la Criolla. Le rouge aux lèvres, du noir aux yeux, elle faisait le tapin. J'entends encore sa voix trembler, lorsqu'il disait en serrant les poings, et la voix pleine de sanglots. « Si elle m'avait dit que ce métier lui plaisait, qu'elle le faisait de sa propre volonté, je n'aurais rien dit. » Et je lui aurais proposé de venir avec moi, de vivre avec moi, de l'argent que je gagnais en travaillant. Mais Angelita avait un chulo qui la battait quand elle ne gagnait pas assez et qui l'avait obligée à force de coups et de menaces à se prostituer. Je suis parti, la laissant à son travail, et je me suis planqué. J'ai attendu presque toute la nuit. Puis il est arrivé, l'a prise par le bras, comme si elle était sa propriété depuis toujours. Je suis sorti de ma planque et je me suis approché. J'ai demandé à Angelita s'il était son homme. Elle a répondu « Oui, José. » Ma Navarra est entrée dans son cœur toute seule. Il n'a pas dit un mot. Il est resté un moment droit, les yeux grands ouverts, puis il est tombé la face contre terre. Voilà pourquoi je hais les prêtres, pourquoi je me bats contre les capitalistes. Parce que les prêtres et les capitalistes sont des macros du peuple. Ils nous obligent à travailler pour eux, comme les souteneurs forcent les filles à se prostituer, par la force des coups et des menaces, par la misère qu'ils entretiennent dans le monde ouvrier. Voilà ce que je sais et me souviens de mes 3 compagnons. Nous étions les plus anciens du groupe à se trouver là. Cartagena a été le plus écouté de tous. Étant le plus décidé, son opinion, exposée en termes concis, était en général acceptée de tous. Lacaille, Georges et moi étions partisans de faire une sortie pour essayer de nous dégager de ce guépier. C'est alors qu'il nous dit d'attendre, car lorsque le combat avait commencé, il avait vu 2 ou 3 des nôtres courir vers nos lignes. Il espérait que peut-être des renforts arriveraient. La matinée passa et rien n'apparut à l'horizon. Nous étions complètement cernés. Nous avions vu les fascistes prendre position pour nous couper la route de la Sierra. À 100 ou 150 mètres de la grange commençait un champ de blé presque plat qui s'étendait jusqu'au pied de Monte Oscuro. Nous étions séparés de la plaine par des tas de gerbes de blé. Nous avions bien essayé d'empêcher l'encerclement complet, absolu, mais les munitions commençaient à manquer. Nous ne tirions plus qu'à coup sûr. Ils essayaient de nous faire gaspiller les cartouches avec des leurres, chapeaux, bérets tendus au bout des fusils. Mais nous les laissions faire, pour ne tirer que lorsque nous étions certains que la tête se trouvait dessous. Ce fut vers 11h qu'ayant perdu tout espoir d'une attaque des républicains pour nous aider, nous nous décidâmes à en finir. La Caille, énervée par l'attente, comme nous tous, nous dit à peu près ceci. Ils ne nous attaqueront que cette nuit. Ils espèrent pouvoir s'approcher assez près pour mettre le feu. C'est ce que je ferais si j'étais à leur place. Et nous, que faisons-nous? Nous attendons qu'ils viennent nous chercher et nous fassent griller? Moi, mort pour mort, je préfère mourir en tuant. On sort, et même si on est tous tués, on aura la satisfaction d'en emmener quelques-uns avec nous. Nous exposâmes aux copains notre décision. Tous acceptèrent de sortir. De toute façon, nous étions faits comme des rats. Parmi les blessés, quelqu'un nous fit une proposition. Ceux qui ne pouvant ni courir ni marcher sont donc obligés de rester, peuvent, par les meurtrières du rez-de-chaussée, empêcher que toute la puissance des feux ne converge vers ceux qui sortent. Il nous suffisait de les aider à les mettre en position de tir. Les blessés graves, les mourants, nous suppliaient de ne pas les laisser tomber vivants aux mains de l'ennemi. Trois ou quatre, qui avaient gardé leurs armes, se suicidèrent. Les autres furent achevés au couteau par Cartagena. Moi, je regardais tout cela comme si je n'étais pas concerné. J'étais le spectateur indifférent d'une tragédie absurde qui se serait déroulée hors du temps et où il y aurait eu un acteur qui me ressemblait comme un frère. Avec une ficelle que j'avais ramassée dans un coin, j'avais attaché un de mes pistolets à mon cou en me faisant un collier qui descendait jusqu'au fourreau. L'autre était retenu par une boucle passée à mon poignet. Ainsi paré, il ne risquait pas, pendant que je courais en lançant des grenades, de tomber. Tout était prêt. Cartagena en espagnol, moi en italien, Georges en français, expliquâmes notre plan. Nous devions nous diviser en deux groupes. Un de chaque côté de la porte. Nous l'ouvrons et nous nous élançons vers la Sierra en faisant feu de toutes nos armes, chaque groupe de son côté, pendant que ceux qui restaient nous appuyaient avec les fusils mitrailleurs. Nous sommes virtuellement, si nous restons là, tous morts. Si nous nous rendons, dans la meilleure des hypothèses, nous serons fusillés. Donc notre intérêt est de nous faire tuer les armes à la main. L'exemple est sous nos yeux. Les corps de Mimosa et d'Augusta prouvaient que rien ni personne ne trouverait grâce auprès d'eux. Notre petit speech terminé, tout le monde se plaça devant la porte. Cartagena et Georges d'un côté, la Caillée de l'autre, en tête. Moi, je devais prendre ma place près de Rosé. Mais au dernier moment, pendant quelques secondes, il me fut impossible de bouger. La peur? Peut-être. Ce que je sais, c'est que subitement, le souvenir de ma mère, décédée depuis 8 ans environ, surgit du tréfonds de ma mémoire. Et que pendant ce court laps de temps, j'ai cru la voir devant moi. Puis tout s'effaça, et je pris ma place au milieu de ces hommes qui allaient mourir, et qui le savaient. On y va, en avant, vive la liberté, en avant. Les cris avaient jailli de nos poitrines. Au même moment que la porte, repoussée avec violence, s'ouvrait sur la plaine inondée de soleil. Dire ce qui se passa dès que nous fûmes dehors est presque impossible. Lancés comme des flèches au milieu des hurlements, des explosions, en deux directions divergentes, nous pûmes nous éloigner de la grange, mais l'effet de surprise fut court. J'étais parmi les derniers à avoir franchi le seuil de notre fortin. Je courais, et à mesure que j'avançais, je voyais les copains qui étaient devant tomber. Combien de fois me suis-je laissé choir par terre pour recharger mes armes? Je l'ignore. Je me souviens d'avoir vu Cartagena s'arrêter, portait son pistolet à la tempe et s'écroulait. Des hommes se battaient au corps à corps et leurs armes brillaient au soleil. Je vis Georges bondir par-dessus un tas de gerbes de blé et une baïonnette jaillir de derrière et s'enfoncer dans sa poitrine. J'ai tiré sur l'homme qui à genoux tenait le fusil. Ils sont tombés tous les deux, l'un sur l'autre. Comme je passais, je sentais les balles siffler près de moi, à mes oreilles. Devant moi la plaine, et au loin la caillée. Son fusil mitrailleur serré sous son bras fonce vers la vie. Le fusil lui échappe des mains. Il tombe. Des petits nuages de poussière s'élèvent autour de moi comme les premières gouttes de pluie en soulèvent en tombant sur une route poussiéreuse en été. Il y a une mitrailleuse sur le clocher. Je commence à courir en zigzag. Rosé, à plat ventre, pointe son arme et tire. Je vois tressauter le canon au rythme des rafales qu'il éjecte. On ne me vise plus. La pluie tombe drue tout près de lui. Il me crie « Mas de prisa, Antonio, mas de prisa !» Il se redresse sur ses mains, comme s'il voulait se lever. Il retombe et reste immobile, une main crispée sur son fusil. Je continuais ma course, mais je reçus un coup de poing dans les reins. Je ne voyais plus les nuages de poussière se lever devant moi, mais j'entendais encore loin derrière moi les rafales rageuses de la mitrailleuse. Enfin, elle s'est tue. Moi, je me suis écroulé. J'ai roulé par terre et suis tombé dans un abîme sans fond. Je me suis réveillé au fond d'un barranco. J'avais glissé et perdu connaissance en dévalant les parois de ce fossé naturel. Il faisait encore jour. Deux cavaliers en patrouille m'ont ramassé au bord d'un sentier et reconduit à Farlete. J'étais complètement épuisé. Après avoir satisfait la curiosité naturelle des copains réunis dans le PC et avoir ingurgité pas mal de victuailles, j'ai demandé à Madeleine de prendre un paquet de cigarettes dans la cartouchière du ceinturon que j'avais déposé à l'écart, car la poche de mon blouson était vide. La boîte à chargeurs me servait de réserve pour mon service de fumeur. Une exclamation en sa langue maternelle nous fit tourner la tête. Elle regardait le cuir comme si elle n'en avait jamais vu. « Qu'y a-t-il ?»« Mais regardez !» Et se disant, elle vida le contenu sur la table. Sur la face extérieure de la boîte, il y avait un trou. Le paquet de cigarettes était traversé par un morceau de cuivre. Madeleine, s'apercevant que ma manche gauche était trouée, me fit lever pour mieux m'examiner avec les autres. Chance, malchance, qui peut répondre à cette question? Même pas moi. Si vivre est une chance, alors ce jour-là j'ai été chanceux. Trois balles m'avaient frôlé de si près qu'elles avaient percé mon blouson en deux endroits, la manche et le côté. La troisième, le bas de mon pantalon. Toutes trois du côté gauche. J'ai gardé le petit cône de cuivre bourré de plomb pendant longtemps sur moi, comme un porte-bonheur. Le lendemain, on m'apprit que je n'étais pas le seul rescapé de ce massacre. Ben Salah, un Algérien, et Manuel sont arrivés dans la nuit. Le sang-froid, l'art du camouflage du fils du Maghreb et la connaissance du terrain de Manuel leur ont permis d'échapper au regard des fascistes, de s'éloigner et de rejoindre nos lignes une fois la nuit tombée. Ils avaient de leur cachette vu la fin de Berthomieu, de Marthe et de beaucoup d'autres. Leurs dires confirmèrent ce que le copain allemand nous avait dit avant de mourir. À Farlette, personne ne savait pourquoi les centuries n'avaient pas bougé de leur position. Une rapide enquête auprès des différents secteurs intéressés nous apprit qu'aucun ordre ne leur était parvenu. Les responsables croyaient que nous opérions un simple coup de main, comme d'habitude. Au QG de Durruti, il nous fut impossible de trouver Ruano, le responsable de l'application du plan. Buenaventura ignorait tout des origines de l'affaire qui avait coûté la vie à 120 d'entre nous. Ce jour-là, je fus témoin d'un fait qui me fit découvrir un aspect nouveau pour moi du caractère de Gori. Un commando de 3 ou 4 paysans avait été surpris, la nuit précédente, en train de s'approcher de la tente où Durruti reposait, pour le trucider. Il venait de la Sierra d'Alcubierre et était des pauvres bergers, fanatisés par les curés. Vieillis avant l'âge par le travail et les privations, ils attendaient résignés l'exécution de la sentence qui les avait condamnés à mort. le peloton se plaça en face, à une dizaine de mètres des condamnés. Anjou ? Je vis les pauvres R faire le signe de la croix. Feu ! Les 12 fusils ne firent qu'une seule détonation. Tous les condamnés tombèrent, sauf un, qui resta debout en regardant le peloton avec des yeux écarquillés par la surprise. Il devait se dire que les révolutionnaires étaient de bien mauvais tireurs pour le manquer à cette distance avec un fusil. Moi aussi j'étais stupéfait. Je m'attendais à entendre une seconde décharge et à voir un des hommes s'approcher pour leur porter le coup de grâce. Au lieu de ça, je vis deux types, porteurs de seaux pleins d'eau, qu'ils vidèrent consciencieusement sur les prétendus morts. Les fusils étaient chargés de cartouches à blanc. Gori les laissa repartir, après leur avoir dit que nous faisions la guerre à l'ignorance et à l'esclavage, et non aux pauvres bougres qui ne comprenaient pas où était la justice et la liberté. Le groupe international de la colonne d'Urruti avait reçu un coup mortel à Perdiguera, mais il n'était pas complètement fini. Un ex-colonel de l'armée italienne vint remplacer Bertomieu. On l'appelait Pablo. Je n'ai jamais su son vrai nom, ni les raisons profondes qu'il avait fait choir parmi les révolutionnaires. Il était assez âgé. Officier de la guerre 14-18, il n'était pas ce qu'aujourd'hui on appellerait un baroudeur ou un chef de guérilla, comme Louis. Avec lui, nous commençâmes à faire la vie de tranchée ou les attaques de masse comme troupes de choc. Pablo était accompagné partout où il allait par une jeune femme qui se faisait appeler Louise. Mince, un minois chiffonné, assez agréable à regarder, elle avait une voix douce et musicale qui enchantait l'oreille. Comme elle était exactement le contraire de Madeleine, plutôt petite et boulotte, j'en tombais amoureux. Tant et si bien que Pablo s'en aperçut, et pour m'éloigner de sa gouvernante, m'octroya quelques jours de permission à Barcelone. Sur les 240 miliciens du groupe international engagés dans cette bataille, 170 ont péri, dont une quinzaine de Français. Ce massacre a beaucoup marqué certains survivants, d'autant plus qu'il semble bien qu'il soit imputable, au minimum, à une erreur de manœuvre militaire. Voyons comment l'événement a été présenté. Abel Paz, ce jeune libertaire qui milite à Barcelone en 1936, rédigera une biographie de Durruti. Pour décrire la bataille, il s'appuie sur des témoins directs et sur un document de la CNT, diffusé en 1938, qui représente en quelque sorte la version officielle anarchiste. Voici un extrait de l'édition française de 1993 de cette biographie. Durruti put réunir assez de forces pour secourir les positions menacées. Les internationaux se voyaient pratiquement encerclés. On luttait au corps à corps, de tranchée en tranchée. La venue du renfort changea le sort du combat. L'ennemi dut se retirer, ce dont Durruti profita pour tirer les internationaux de l'encerclement et libérer deux auto-blindés. La contre-offensive donna d'excellents résultats. En somme, ce sont les internationaux qui auraient mal manœuvré et le reste des centuries qui les auraient tirés d'affaire. Le délégué général de la colonne Durruti aurait bien contrôlé la situation. Cette vision des événements exclut toute éventuelle erreur du commandement et relativise l'ampleur du désastre. Elle ne correspond pas au récit de Jiménez. Selon le témoignage non publié de Charles Carpentier, survivant de cette tragédie, après avoir lancé dans la journée du 15 octobre une offensive sur une partie du front, Durruti avait donné l'ordre aux centuries de se retirer et de revenir à leurs positions antérieures. Cependant, l'estafette expédiée auprès des internationaux, pour les prévenir du repli général, s'était égarée dans la nature et n'arriva que bien après la bataille. Les Marocains n'avaient eu aucun mal à encercler le groupe, soudain dégarni sur ses flancs gauche et droit. Toujours selon Carpentier, après le massacre, certains des membres du groupe international, fous de rage, persuadés qu'on les avait envoyés au casse-pipe et laissés choir, voulait débouler au quartier général de la colonne et tirer dans le tas. Oui, il s'estimait trahi. Peut-être certains ont-ils considéré que Ruano, membre du comité de guerre, était le responsable direct de ce gâchis sanglant. Riddle et Carpentier eurent toutes les peines du monde à convaincre leurs camarades que tout cela était la faute à pas de chance. Et ils durent user de l'autorité que leur conférait leur qualité de fondateur du groupe pour les empêcher de commettre un acte de vengeance. Voilà un récit qui se rapproche davantage de celui de Jiménez. Les accusations que Jiménez porte à l'égard du comité de guerre de la colonne, et plus particulièrement à l'encontre de Lucio Ruano, sont très graves. Pour lui, comme pour d'autres sans doute, même si le plan d'attaque avait été mauvais, il fallait au moins venir les secourir. Ensuite, s'il est vrai que le QG s'est défaussé quant aux besoins légitimes d'explication de la part des miliciens, la thèse de la trahison peut trouver sa place. Reste à savoir pourquoi elle pèse sur Lucio Ruano. Nous y reviendrons. Il faut également souligner que les milices anarchistes, peu aguerries dans les premiers mois du conflit, commettent des erreurs tactiques, et que la conduite de cette guerre souffre aussi de problèmes de communication et de coordination. Selon un rapport établi à chaud par les rescapés, l'entrée le 15 octobre au soir dans les abords du hameau de Perdiguera fut très facile, l'ennemi laissant même du matériel militaire pour faire croire qu'il se retirait. Il s'agissait sans doute d'un piège. Le récit d'Antonio Jiménez est intense, car il nous confronte de manière rapprochée à des situations de combat terribles et complexes. On notera qu'il ne cite pas la présence des troupes marocaines, attestée par les autres récits, et qu'il ne profite pas des atrocités commises sur ses amis Mimosa et Augusta pour sombrer dans des propos racistes, ce que d'autres se sont autorisés à faire. Thank you.